ancien mec, t'étais où? T'as vu le mappé? T'étais louche. African gangster, ouais c'est nous. Tous les chemins mènent à Rome, Lukaku. Y'a trop de Nyama à l'after. Et te font un redma, voilà t'as peur. DJ Milson qui casse la fête. DJ Milson qui casse la fête. Dakar au Ghana, j'ai un pas en œuvre. Et la Kuti, Papa Wemba. En roue arrière, l'Oxé Madinina. À la marina, sur un bateau de bâtard. Quand j'étais sous la pluie, tu ne voulais pas te mouiller, non, non, non. Quand j'étais sous la pluie, tu ne m'appelais pas par mon prénom. Quand j'étais sous la neige à chercher soleil, dis-moi t'étais où? Quand j'avais rien à donner, rien à t'offrir, dis-moi t'étais où? Ah mon bébé, dis-moi t'étais où? Ah mon bébé, dis-moi t'étais où? Quand j'étais sous la neige à chercher.